Section 9. Des mémoires d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Lus par Christiane Johanne. Troisième partie, livre deuxième, suite. Durant 35 jours, comme ces formidables dragons de l'Afrique qui s'endorment après s'être repus, ils s'étaient oubliés. C'était apparemment les jours nécessaires pour changer le sort d'un homme pareil. Pendant ce temps-là, l'astre de sa destinée s'inclinait. Enfin, il se réveille pressé entre l'hiver et une capitale incendiée. Il se glisse au dehors des décombres. Il était trop tard. 100 000 hommes étaient condamnés. Le maréchal Mortier, commandant l'arrière-garde, a l'ordre, en se retirant, de faire sauter le Kremlin. Bonaparte, se trompant ou voulant tromper les autres, écrit le 18 d'octobre au duc de Bassano une lettre que rapporte M. Fin. « Vers les premières semaines de novembre, m'en dit-il, j'aurai ramené mes troupes dans le carré qui est entre Smolensk, Mohilov, Minsk et Vitebsk. Je me décide à ce mouvement parce que Moscou n'est plus une position militaire. J'en vais chercher une autre plus favorable au début de la campagne prochaine. Les opérations auront alors à se diriger sur Pétersbourg et sur Kiev. » Pitoyable forfanterie, s'il ne s'agissait que du secours passager d'un mensonge. Mais dans Bonaparte, une idée de conquête, malgré l'évidence contraire de la raison, pouvait toujours être une idée de bonne foi. On marchait sur Malo-Jaroslavets. Par l'embarras des bagages et des voitures mal attelées de l'artillerie, le troisième jour de marche, on n'était encore qu'à 10 lieues de Moscou. On avait l'intention de devancer Koutouzov. L'avant-garde du prince Eugène le prévint en effet à Fominskoï. Il restait encore 100 000 hommes d'infanterie au début de la retraite. La cavalerie était presque nulle, à l'exception de 3 500 chevaux de la garde. Nos troupes, ayant atteint la nouvelle route de Kalouga le 21, entrèrent le 22 à Borovsk, et le 23, la division d'Elzon occupa Malo-Jaroslavets. Napoléon était dans la joie. Il se croyait échappé. Le 23 octobre, à 1h30 du matin, la terre trembla. 183 milliers de poudres, placées sous les voûtes du Kremlin, déchirèrent le palais d'Exor. Mortier, qui fit sauter le Kremlin, était réservé à la machine infernale de Fieschki. Que de monde passait entre ces deux explosions si différentes, et par les temps et par les hommes. Après ce sourd mugissement, une forte canonnade vint à travers le silence dans la direction de Malo-Jaroslavets. Autant Napoléon avait désiré ouïr ce bruit en entrant en Russie, autant il redoutait de l'entendre en sortant. Un aide-de-camp du vice-roi annonce une attaque générale des Russes. À la nuit, les généraux Compans et Gérard arrivèrent en aide au prince Eugène. Beaucoup d'hommes périrent des deux côtés. L'ennemi parvint à se mettre à cheval sur la route de Kalouga et fermer l'entrée du chemin intact qu'on avait espéré suivre. Il ne restait d'autre ressource que de retomber dans la route de Mojaïsk et de rentrer à Smolensk par les vieux sentiers de nos malheurs. On le pouvait, les oiseaux du ciel n'avaient pas encore achevé de manger ce que nous avions semé pour retrouver nos traces. Napoléon logea cette nuit à Gorotnia, dans une pauvre maison où les officiers attachés aux divers généraux ne purent se mettre à couvert. Ils se réunirent sous la fenêtre de Bonaparte. Elle était sans volets et sans rideaux. On en voyait sortir une lumière, tandis que les officiers restés en dehors étaient plongés dans l'obscurité. Napoléon était assis dans sa chétive chambre, la tête abaissée sur ses deux mains. Murat, Berthier et Bessières se tenaient debout à ses côtés, silencieuses et immobiles. Il ne donna point d'ordre, et monta à cheval, le 25 au matin, pour examiner la position de l'armée russe. À peine était-il sorti que roula jusqu'à ses pieds un éboulement de Cosaques. La vivante avalanche avait franchi la Louja et s'était dérobée à la vue le long de la lisière des bois. Tout le monde mit l'épée à la main, l'empereur lui-même. Si ces maraudeurs avaient eu plus d'audace, Bonaparte demeurait prisonnier. À Malo-Jaroslavets, incendié, les rues étaient encombrées de corps à moitié grillés, coupés, sillonnés, mutilés par les roues de l'artillerie qui avaient passé sur eux. Pour continuer le mouvement sur Kalouga, il eût fallu livrer une seconde bataille. L'empereur ne le jugea pas convenable. Il s'est élevé à cet égard une discussion entre les partisans de Bonaparte et les amis des maréchaux. Qui donna le conseil de reprendre la première route parcourue par les Français ? Ce fut évidemment Napoléon. Une grande sentence funèbre à prononcer ne lui coûtait guère, il en avait l'habitude. Revenu le 26 à Borovsk, le lendemain, près de Verilla, on présenta au chef de nos armées le général Vitzingerod et son aide-de-camp, le comte Nariskin. Il s'était laissé surprendre en entrant trop tôt dans Moscou. Bonaparte s'emporta. « Qu'on fusille ce général, s'écrie-t-il, hors de lui, c'est un déserteur du royaume de Wurtemberg. Il appartient à la Confédération du Rhin. Il se répand en invectives contre la noblesse russe et finit par ces mots « J'irai à Saint-Pétersbourg, je jetterai cette ville dans la Neva. » Et subitement, il commanda de brûler un château que l'on apercevait sur une hauteur. Le lion blessé se ruait en écumant sur tout ce qui l'environnait. Néanmoins, au milieu de ses folles colères, lorsqu'il intimait à Mortier l'ordre de détruire le Kremlin, il se conformait en même temps à sa double nature. Il écrivait au duc de Trévise des phrases de sensiblerie. Pensant que ses missives seraient connues, il lui enjoignait, avec un soin tout paternel, de sauver les hôpitaux. « Car c'est ainsi, ajoutait-il, que j'en ai usé à Saint-Jean d'Acre. » Or, en Palestine, il fit fusiller les prisonniers turcs, et sans l'opposition de Desgenettes, il eut empoisonné ses malades. Berthier et Murat sauvèrent le prince Vinzigerod. Cependant, Kutuzov nous poursuivait mollement. « Wilson, pressait-il, le général russe d'agir, le général répondait, laissez venir la neige. » Le 29 septembre, on touche aux fatales collines de la Moscova. Un cri de douleur et de surprise échappe à notre armée. De vastes boucheries se présentaient, étalant 40 000 cadavres diversement consommés. Des files de carcasses alignées semblaient garder encore la discipline militaire. Des squelettes détachés en avant sur quelques mamelons écrêtés indiquaient les commandants et dominaient la mêlée des morts. Partout, armes rompues, tambours défoncés, lambeaux de cuirasses et d'uniformes, étendards déchirés, dispersés entre des troncs d'arbres coupés à quelques pieds du sol par les boulets. C'était la grande redoute de la Moscova. Au sein de la destruction immobile, on apercevait une chose en mouvement. Un soldat français, privé des deux jambes, se frayait un passage dans des cimetières qui semblaient avoir rejeté leurs entrailles au dehors. Le corps d'un cheval effondré par un obus avait servi de guérite à ce soldat. Il y vécut, en rongeant sa loge de chair, les viandes putréfiées des morts à la portée de sa main lui tenaient lieu de charpie pour panser ses plaies et d'amadou pour emmailloter ses os. L'effrayant remords de la gloire se traînait vers Napoléon. Napoléon ne l'attendit pas. Le silence des soldats, hâtés du froid, de la faim et de l'ennemi, était profond. Ils songeaient qu'ils seraient bientôt semblables aux compagnons dont ils apercevaient les restes. On n'entendait dans ce reliquaire que la respiration agitée et le bruit du frisson involontaire des bataillons en retraite. Plus loin, on retrouva l'abbaye de Kotlovskoï, transformée en hôpital. Tous les secours y manquaient. Là restait encore assez de vie pour sentir la mort. Bonaparte, arrivé sur le lieu, se chauffa du bois de ses chariots disloqués. Quand l'armée reprit sa marche, les agonisants se levèrent, parvinrent au seuil de leur dernier asile, se laissèrent dévaler jusqu'au chemin, tendirent aux camarades qui les quittaient leurs mains défaillantes. Ils semblaient à la fois les conjurer et les ajourner. À chaque instant retentissait la détonation des caissons qu'on était forcé d'abandonner. Les vivandiers jetaient les malades dans les fossés. Des prisonniers russes qu'escortaient des étrangers au service de la France furent dépêchés par leurs gardes. Tués d'une manière uniforme, leur cervelle était répandue à côté de leur tête. Bonaparte avait emmené l'Europe avec lui. Toutes les langues se parlaient dans son armée, toutes les cocardes, tous les drapeaux s'y voyaient. L'Italien, forcé au combat, s'était battu comme un Français. L'Espagnol avait soutenu sa renommée de courage. Naples et l'Andalousie n'avaient été pour eux que les regrets d'un doux songe. On a dit que Bonaparte n'avait été vaincu que par l'Europe entière, et c'est juste. Mais on oublie que Bonaparte n'avait vaincu qu'à l'aide de l'Europe, de force ou de gré, son allié. La Russie résista seule à l'Europe guidée par Napoléon. La France, restée seule et défendue par Napoléon, tomba sous l'Europe retournée. Mais il faut dire que la Russie était défendue par son climat et que l'Europe ne marchait qu'à regret sous son maître. La France, au contraire, n'était préservée ni par son climat ni par sa population décimée. elle n'avait que son courage et le souvenir de sa gloire. Indifférent aux misères de ses soldats, Bonaparte n'avait souci que de ses intérêts. Lorsqu'il campait, sa conversation roulait sur des ministres vendus, disait-il, aux Anglais. Lesquels ministres étaient les fomenteurs de cette guerre, ne se voulant pas avouer que cette guerre venait uniquement de lui. Le duc de Vizanz, qui s'obstinait à racheter un malheur par sa noble conduite, éclatait au milieu de la flatterie au bivouac. Il s'écriait « Que d'atroces cruautés ! Voilà donc la civilisation que nous apportons en Russie !» Aux incroyables dires de Bonaparte, il faisait un geste de colère et d'incrédulité, et se retirait. L'homme que la moindre contradiction mettait en fureur souffrait les rudesses de Caulaincourt en expiation de la lettre qu'il l'avait jadis chargée de porter à Etenheim. Quand on a commis une chose reprochable, le ciel en punition vous en impose les témoins. En vain, les anciens tyrans les faisaient disparaître. Descendus aux enfers, ces témoins entraient dans le corps des furies et revenaient. Napoléon, ayant traversé Jasques, poussa jusqu'à Viasma. Il le dépassa, n'ayant point trouvé l'ennemi qu'il craignait d'y rencontrer. Il arriva le 3 novembre à Slovskovo. Là, il apprit qu'un combat s'était donné derrière lui à Viasma. Ce combat contre les troupes de Miloradovitch nous fut fatal. Nos soldats, nos officiers blessés, le bras en écharpe, la tête enveloppée de linge, miracle de vaillance, se jetaient sur les canons ennemis. Cette suite d'affaires, dans les mêmes lieux, ces couches de morts ajoutées à des couches de morts, ces batailles doublées de batailles, auraient deux fois immortalisé des champs funestes, si l'oubli ne passait rapidement sur notre poussière. Qui pense à ces paysans laissés en Russie? Ces rustiques sont-ils contents d'avoir été à la grande bataille sous les murs de Moscou? Il n'y a peut-être que moi qui, dans les soirées d'automne, en regardant voler au haut du ciel les oiseaux du Nord, me souvienne qu'ils ont vu la tombe de nos compatriotes. Des compagnies industrielles se sont transportées au désert avec leurs fourneaux et leurs chaudières. Les eaux ont été converties en noir animal. Qu'ils viennent du chien ou de l'homme, le vernis est du même prix. Il n'est pas plus brillant qu'il ait été tiré de l'obscurité ou de la gloire. Voilà le cas que nous faisons des morts aujourd'hui. Voilà les rites sacrés de la nouvelle religion. Dis manibus. Heureux compagnon de Charles XII, vous n'avez point été visité par ces hyènes sacrilèges. Pendant l'hiver, l'hermine fréquente les neiges virginales et pendant l'été, les mousses fleuries de Poultava. Le 6 novembre 1812, le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro. Tout disparaît sous la blancheur universelle. Les soldats sans chaussures sentent leurs pieds mourir. Leurs doigts violâtres et roidis laissent échapper le mousquet dont le toucher brûle. Leurs cheveux se hérissent de givre, leur barbe de leur haleine congelée. Leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas. Ils tombent, la neige les couvre. Ils forment sur le sol de petits sillons de tombeaux. On ne sait plus de quel côté les fleuves coulent. On est obligé de casser la glace pour apprendre à quel orient il faut se diriger. Égarés dans l'étendue, les divers corps font des feux de bataillon pour se rappeler et se reconnaître, de même que des vaisseaux en péril tirent le canon de détresse. Les sapins changés en cristaux immobiles s'élèvent çà et là, candélabres de ces pompes funèbres. Des corbeaux et des meutes de chiens blancs sans maître suivaient à distance cette retraite de cadavres. Il était dur, après les marches, d'être obligé, à l'étape déserte, de s'entourer de précautions, d'un hoste saint largement pourvu, de poser des sentinelles, d'occuper des postes, de placer des grands gardes. Dans des nuits de 16 heures battues des rafales du nord, on ne savait ni où s'asseoir ni où se coucher. Les arbres jetés bas avec tous leurs albâtres refusaient de s'enflammer. À peine parvenait-on à faire fondre un peu de neige pour y démêler une cuillerée de farine de seigle. On ne s'était pas reposé sur le sol nu que des hurlements de cosaques faisaient retentir les bois. L'artillerie volante de l'ennemi grondait. Le jeûne de nos soldats était salué comme le festin des rois lorsqu'ils se mettent à table, les boulets roulant leur pain de fer au milieu des convives affamés. À l'aube, qui ne suivait point l'aurore, on entendait le battement d'un tambour drapé de frimas ou le son enroué d'une trompette. Rien n'était triste comme cette Diane lugubre, appelant sous les armes des guerriers qu'elle ne réveillait plus. Le jour grandissant éclairait des cercles de fantassins roidis et morts autour des bûchers expirés. Quelques survivants partaient. Ils s'avançaient vers des horizons inconnus qui, reculant toujours, s'évanouissaient à chaque pas dans le brouillard. Sous un ciel pantelant et comme lassé des tempêtes de la veille, nos fils éclaircis traversaient des landes après des landes, des forêts suivies de forêts, et dans lesquelles l'océan semblait avoir laissé son écume attachée aux branches échevelées des bouleaux. On ne rencontrait même pas dans ces bois ce triste petit oiseau de l'hiver qui chante, ainsi que moi, parmi les buissons dépouillés. Si je me retrouve, tout à coup, par ce rapprochement, en présence de mes vieux jours, oh, mes camarades, les soldats, son frère, vos souffrances me rappellent aussi mes jeunes années, lorsque, me retirant devant vous, je traversais si misérable et si délaissé la bruyère des Ardennes. Les grandes armées russes suivaient la nôtre. Celle-ci était partagée en plusieurs divisions qui se subdivisaient en colonnes. Le prince Eugène commandait l'avant-garde, Napoléon le centre, l'arrière-garde, le maréchal Ney. Retardés de divers obstacles et combats, ces corps ne conservaient pas leur exacte distance. Tantôt ils se devançaient les uns les autres, tantôt ils marchaient sur une ligne horizontale, très souvent sans se voir et sans communiquer ensemble, faute de cavalerie. Des tauridiens, montés sur de petits chevaux dont les crins balayaient la terre, n'accordaient de repos ni jour ni nuit à nos soldats harassés par ces temps de neige. Le paysage était changé. Là où l'on avait vu un ruisseau, on retrouvait un torrent que des chaînes de glace suspendaient aux bords escarpés de sa ravine. Dans une seule nuit, dit Bonaparte, papier de Sainte-Hélène, on perdit 30 000 chevaux. On fut obligé d'abandonner presque toute l'artillerie, forte alors de 500 bouches à feu. On ne put emporter ni munitions ni provisions. Nous ne pouvions, faute de chevaux, faire de reconnaissance ni envoyer une avant-garde de cavalerie reconnaître la route. Les soldats perdaient le courage et la raison et tombaient dans la confusion. La circonstance la plus légère les alarmait. 4 ou 5 hommes suffisaient pour jeter la frayeur dans tout un bataillon. Au lieu de se tenir réunis, ils erraient séparément pour chercher du feu. Ceux qu'on envoyait en éclaireur abandonnaient leur poste et allaient chercher les moyens de se réchauffer dans les maisons. Ils se répandaient de tous côtés, s'éloignaient de leur corps et devenaient facilement la proie de l'ennemi. D'autres se couchaient sur la terre, s'endormaient. Un peu de sang sortait de leurs narines et ils mouraient en dormant. Des milliers de soldats périrent. Les Polonais sauvèrent quelques-uns de leurs chevaux et un peu de leur artillerie. Mais les Français et les soldats des autres nations n'étaient plus les mêmes hommes. La cavalerie a surtout beaucoup souffert. Sur 40 000 hommes, je ne crois pas qu'il en soit échappé 3 000. Et vous, qui racontiez cela, sous le beau soleil d'un autre hémisphère, n'étiez-vous que le témoin de tant de maux? Le jour même, 6 novembre, où le thermomètre tomba si bas, arriva de France, comme une fraisée égarée, la première estafette que l'on eût vue depuis longtemps. Elle apportait la mauvaise nouvelle de la conspiration de Malais. Cette conspiration eut quelque chose du prodigieux de l'étoile de Napoléon. Au rapport du général Courgaud, ce qui fit le plus d'impression sur l'empereur fut la preuve trop évidente que les principes monarchiques dans leur application à sa monarchie avaient jeté des racines si peu profondes que de grands fonctionnaires, à la nouvelle de la mort de l'empereur, oublièrent que, le souverain étant mort, un autre était là pour lui succéder. Bonaparte à Sainte-Hélène, mémorial de Las Casas, racontait qu'il avait dit à sa cour des Tuileries, en parlant de la conspiration de Malais, « Eh bien, messieurs, vous prétendiez avoir fini votre révolution, vous me croyez mort, mais le roi de Rome, vos serments, vos principes, vos doctrines, vous me faites frémir pour l'avenir. » Bonaparte raisonnait logiquement. Il s'agissait de sa dynastie. Aurait-il trouvé le raisonnement aussi juste s'il s'était agi de la race de Saint-Louis? Bonaparte apprit l'accident de Paris au milieu d'un désert, parmi les débris d'une armée presque détruite, dont la neige buvait le sang. Les droits de Napoléon fondés sur la force s'anéantissaient en Russie avec sa force, tandis qu'il avait suffi d'un seul homme pour les mettre en doute dans la capitale. Hors de la religion, de la justice et de la liberté, il n'y a point de droit. Presque au même moment que Bonaparte apprenait ce qui s'était passé à Paris, il recevait une lettre du maréchal Ney. Cette lettre lui faisait part que les meilleurs soldats se demandaient pourquoi c'était à eux seuls à combattre pour assurer la fuite des autres. Pourquoi l'aigle ne protégeait plus et tuait. Pourquoi il fallait succomber par bataillon puisqu'il n'y avait plus qu'à fuir. Quand l'aide de camp de Ney voulut entrer dans des particularités affligeantes, Bonaparte l'interrompit. « Colonel, je ne vous demande pas ces détails. » Cette expédition de la Russie était une vraie extravagance que toutes les autorités civiles et militaires de l'Empire avaient blâmée. Les triomphes et les malheurs que rappelait la route de retraite aigrissaient ou décourageaient les soldats. Sur ce chemin monté et redescendu, Napoléon pouvait trouver aussi l'image des deux parts de sa vie. Le 9 novembre, on avait enfin gagné Smolensk. Un ordre de Bonaparte avait défendu d'y laisser entrer personne avant que les postes n'eussent été remis à la garde impériale. Des soldats du dehors confluent au pied des murailles, les soldats du dedans se tiennent renfermés, l'air retentit des imprécations des désespérés forclos, vêtus de sales lévites de cosaques, de capotes rapetassées, de manteaux et d'uniformes en loques, de couvertures de lit ou de cheval, la tête couverte de bonnets, de mouchoirs roulés, de shakos défoncés, de casques faussés et rompus, tout cela sanglant ou neigeux, percé de balles ou haché de coups de sabre. Le visage hâve et dévalé, les yeux sombres et étincelants, il regardait au haut des remparts en grinçant les dents, ayant l'air de ces prisonniers mutilés qui, sous Louis le Gros, portaient dans leur main droite leur main gauche coupée. On les eût pris pour des masques en furie, ou pour des malades affolés, échappés des hôpitaux. La jeune et la vieille garde arrivèrent, elles entrèrent dans la place incendiée à notre premier passage. Des cris s'élèvent contre la troupe privilégiée. L'armée n'aurait-elle jamais que ses restes? Ces cohortes faméliques courent tumultuairement au magasin comme une insurrection de spectres. On les repousse, on se bat, les tués restent dans les rues, les femmes, les enfants, les mourants sur les charrettes. L'air était empesté de la corruption d'une multitude d'anciens cadavres. Des militaires étaient atteints d'imbécillité ou de folie. Quelques-uns dont les cheveux s'étaient dressés et tordus, blasphémant ou riant d'un rire hébété, tombaient, morts. Bonaparte exhale sa colère contre un misérable fournisseur impuissant dont aucun désordre n'avait été exécuté. L'armée de 100 000 hommes, réduite à 30 000, était côtoyée d'une bande de 50 000 traîneurs. Il ne se trouvait plus que 1 800 cavaliers montés. Napoléon en donna le commandement à M. de la Tour Maubourg. Cet officier, qui menait les cuirassiers à l'assaut de la grande redoute de Borodino, eut la tête fendue de coups de sabre. Depuis, il perdit une jambe à Dresde. Apercevant son domestique qui pleurait, il lui dit « De quoi te plains-tu? Tu n'auras plus qu'une botte à cirer. » Ce général, resté fidèle au malheur, est devenu le gouverneur de Henri V dans les premières années de l'exil du jeune prince. J'ôte mon chapeau en passant devant lui comme en passant devant l'honneur. On séjourna par force jusqu'au 14, dans Smolensk. Napoléon ordonna au maréchal Ney de se concerter avec Davout et de démembrer la place en la déchirant avec des fougasses. Pour lui, il se rendit à Krasnoï, où il s'établit le 16, après que cette station eut été pillée par les Russes. Les moscovites rétrécissaient leur cercle. La grande armée dite de Moldavie était dans le voisinage. Elle se préparait à nous cerner tout à fait et à nous jeter dans la Bérézina. Le reste de nos bataillons diminuait de jour en jour. Kutuzov, instruit de nos misères, remuait à peine. « Sortez seulement un moment de votre quartier général, » s'écriait Wilson. « Avancez-vous sur les hauteurs. Vous verrez que le dernier moment de Napoléon est venu. La Russie réclame cette victime. Il n'y a plus qu'à frapper. Une charge suffira. Dans 2 heures, la face de l'Europe sera changée. » Cela était vrai. Mais il n'y aurait eu que Bonaparte de particulièrement frappé. Et Dieu voulait appesantir sa main sur la France. Kutuzov répondait « Je fais reposer mes soldats tous les 3 jours. Je rougirais, je m'arrêterais aussitôt si le pain leur manquait un seul instant. J'escorte l'armée française, ma prisonnière. Je la châtie dès qu'elle veut s'arrêter ou s'éloigner de la grande route. Le terme de la destinée de Napoléon est irrévocablement marqué. C'est dans les marais de la Bérézina que s'éteindra le météore en présence de toutes les armées russes. Je leur aurai livré Napoléon affaibli, désarmé, mourant. C'est assez pour ma gloire. » Bonaparte avait parlé du vieux Kutouzov avec ce dédain insultant dont il était si prodigue. Le vieux Kutouzov, à son tour, lui rendait mépris pour mépris. L'armée de Kutouzov était plus impatiente que son chef. Les Cosaques eux-mêmes s'écriaient « Laissera-t-on ces squelettes sortir de leur tombeau ?» Cependant, on ne voyait pas le quatrième corps, qui avait dû quitter Smolensk le 15 et rejoindre Napoléon le 16 à Krasnoï. Les communications étaient coupées. Le prince Eugène, qui menait la queue, essaya vainement de les rétablir. Tout ce qu'il put faire, ce fut de tourner les Russes et d'opérer sa jonction avec la garde sous Krasnoï. Mais toujours les maréchaux Davout et Ney ne paraissaient pas. Alors Napoléon retrouva subitement son génie. Il sort de Krasnoï le 17, un bâton à la main, à la tête de sa garde, réduite à 13 000 hommes, pour affronter d'innombrables ennemis, dégager la route de Smolensk, effrayer un passage aux deux maréchaux. Il ne gâta cette action que par la réminiscence d'un mot peu proportionné à son masque. « J'ai assez fait l'empereur, il est temps que je fasse le général. » Henri IV, partant pour le siège d'Amiens, avait dit « J'ai assez fait le roi de France, il est temps que je fasse le roi de Navarre. » Les hauteurs environnantes, au pied desquelles marchait Napoléon, se chargeaient d'artillerie et pouvaient à chaque instant le foudroyer. Il y jette un coup d'œil et dit qu'un escadron de mes chasseurs s'en empare. Les Russes n'avaient qu'à se laisser rouler en bas, leur seule masse l'eût écrasé. Mais, à la vue de ce grand homme et des débris de la garde serrée en bataillon carré, ils demeurèrent immobiles, comme fascinés. Son regard arrêta 100 000 hommes sur les collines. Kutouzov, à propos de cette affaire de Krasnoï, fut honoré à Pétersbourg du surnom de Smolensky, apparemment pour n'avoir pas, sous le bâton de Bonaparte, désespéré du salut de la République. Après cet inutile effort, Napoléon repassa le Dniepr le 19 et vint camper à Ortcha. Il y brûla les papiers qu'il avait apportés pour écrire sa vie dans les ennuis de l'hiver, si Moscou restait entière lui eût permis de s'y établir. Il s'était vu forcé de jeter dans le lac de Semlevo l'énorme croix de Saint-Jean. Elle a été retrouvée par des Cosaques et replacée sur la tour du Grand Ivan. À Ortcha, les inquiétudes étaient grandes. Malgré la tentative de Napoléon pour la rescousse du maréchal Ney, il manquait encore. On reçut enfin de ses nouvelles à Barani. Eugène était parvenu à le rejoindre. Le général Courgaud raconte le plaisir que Napoléon en éprouva, bien que le bulletin et les relations des amis de l'empereur continuent de s'exprimer avec une réserve jalouse sur tous les faits qui n'ont pas un rapport direct avec lui. La joie de l'armée fut promptement étouffée. On passait de péril en péril. Bonaparte se rendait de Kokanov à Toloskim lorsqu'un aide-de-camp lui annonça la perte de la tête de pont de Borisov, enlevée par l'armée de Moldavie au général Dombrovski. L'armée de Moldavie, surprise à son tour par le duc de Reggio dans Borisov, se retira derrière la Bérézina après avoir détruit le pont. Tchitchakov se trouvait ainsi en face de nous de l'autre côté de la rivière. Le général Corbino, commandant une brigade de notre cavalerie légère, renseigné par un paysan, avait découvert au-dessous de Borisov le gué de Vézelovo. Sur cette nouvelle, Napoléon, dans la soirée du 24, fit partir de Bobre et Blé et Chasseloup avec les pontonniers et les sapeurs. Ils arrivèrent à Soudianka, sur la Bérézina, au gué indiqué. Deux ponts sont jetés. Une armée de 40 000 Russes campait au bord opposé. Quelle fut la surprise des Français lorsqu'au lever du jour, ils aperçurent le rivage désert et l'arrière-garde de la division de Tchaplitz en pleine retraite. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Un seul boulet, le feu de la pipe d'un Cosaque, eussent suffi pour mettre en pièces ou pour brûler les faibles pontons de des blés. On court avertir Bonaparte, il se lève à la hâte, sort, voit et s'écrie « J'ai trompé l'amiral !» L'exclamation était naturelle. Les Russes avortaient au dénouement et commettaient une faute qui devait prolonger la guerre de 3 années. Mais leur chef n'avait point été trompé. L'amiral Tchitchakov avait tout aperçu. Il s'était simplement laissé aller à son caractère. Quoique intelligent et fougueux, il aimait ses aises. Il craignait le froid, restait au poêle, et pensait qu'il aurait toujours le temps d'exterminer les Français quand il se serait bien chauffé. Il céda à son tempérament. Retiré aujourd'hui à Londres, ayant abandonné sa fortune et renoncé à la Russie, Tchitchakov a fourni au Quarterly Review de curieux articles sur la campagne de 1812. Il cherche à s'excuser, ses compatriotes lui répondent « c'est une querelle entre des Russes ». Hélas, si Bonaparte, par la construction de ces deux ponts et l'incompréhensible retraite de la division de Chaplitz, était sauvé, les Français ne l'étaient pas. Deux autres armées russes s'aggloméraient sur la rive du fleuve que Napoléon se préparait à quitter. Ici, celui qui n'a point vu doit se taire et laisser parler les témoins. Fin de la section 9.